Enseignement par le vénérable Sayadaw Unanujota Bivamsa, Centre de méditation d'Amaranchi de Rivière, 8 août 2022. Aujourd'hui, nous parlerons du septième Bhojanga, Upekkha Sambhojanga, le facteur d'éveil de l'équanimité. Upekkha, l'équanimité, a la caractéristique d'équilibrer l'esprit. L'esprit va devenir impartial, il se maintient au milieu, il ne prend parti ni d'un côté ni de l'autre. C'est une excellente qualité, que ce soit dans la vie de tous les jours ou pendant la pratique de la méditation vipassana. Dans le monde, si on se trouve confronté à des difficultés, cette fonction de l'équanimité nous sera très utile. Si les gens peuvent se montrer équanimes, impartiaux, cela leur sera très utile. Il y a même des personnes qui sont spécialistes dans l'art de trouver des gens équanimes. En méditation, certains facteurs vont se manifester dans l'esprit, comme par exemple la foi et la connaissance, l'énergie et la concentration. Ces facteurs doivent être maintenus en équilibre pour que la méditation se passe bien, et les méditants le savent très bien. Les débutants, les méditants qui n'ont pas encore réalisé Udaya Beya Jnana, la connaissance des apparitions et disparitions, seront submergés par les sensations désagréables et la colère va se manifester très souvent. L'agitation également va apparaître, l'esprit sera éparpillé. Par moments, c'est le contraire qui va se passer, l'esprit sera somnolent parce que l'observation ne se fait plus de façon pénétrante. Ce yogi n'arrive plus à noter correctement. Il faudra alors faire appel à Upekkha, le facteur de l'équanimité, pour équilibrer sa pratique. Il doit équilibrer l'effort et la concentration. Il peut également arriver que le méditant fasse de bonnes expériences. Il est excité, très enthousiaste et voudrait expliquer aux autres méditants tout ce qu'il a expérimenté. Mais à ce stade, sa sagesse n'est pas encore assez développée pour pouvoir le faire. Parfois, il n'y aura pas d'expérience particulière, mais il y aura beaucoup de pensées. La confiance va alors diminuer et peut-être même disparaître complètement. Dans ce cas-ci, il faudra faire appel au facteur de Panya, la connaissance, pour équilibrer l'esprit. Avant l'atteinte de Udaya Beya, le stade des apparitions et disparitions, la pratique est donc déséquilibrée. Mais dès que le méditant aura expérimenté les apparitions et disparitions rapides des phénomènes, l'équanimité commencera à apparaître. Upekkha ne peut se développer qu'à partir du moment où la sagesse a commencé à apparaître. Il y a des méditants qui sont très intellectuels et ne font pas confiance à la pratique elle-même. Ils sont incapables d'expérimenter, de réaliser par eux-mêmes la différence entre les phénomènes physiques et les phénomènes mentaux. Ils sont persuadés qu'ils ne trouveront de réponse, qu'ils ne pourront progresser que par la compréhension intellectuelle, pas par la pratique. Mais ce type de yogi va continuellement être envahi par le doute. Il ne saura pas comment pratiquer, il ne comprendra pas avec certitude. C'est Visikicha, le doute sceptique. Visikicha, le doute sceptique, a pour particularité qu'elle persuade le méditant qu'il ne peut comprendre que par la réflexion intellectuelle. La réponse que lui apporte son investigation intellectuelle lui apparaît comme sage et meilleure que la compréhension expérimentale. Mais en réalité, elle va le faire souffrir car le doute sera continuellement dans son esprit. C'est comme si vous essayiez de monter à une échelle qui est en suspension dans l'air. Comment serait-il possible de monter sur cette échelle alors qu'elle ne repose pas fermement sur le sol? Ici, il faudra de nouveau faire appel à Upeka et équilibrer l'esprit, la confiance au foi et la compréhension. Mais le problème, c'est que les gens qui souffrent de ce genre de défauts sont en général très orgueilleux. Les yogis qui souffrent d'un excès de connaissances qui sont trop intellectuels sont difficiles à convaincre. Il sera très difficile de les persuader que c'est la pratique elle-même qui va leur amener les réponses à leurs questions. Ces personnes ne développeront pas facilement le Dhamma. Si vous comprenez par vous-même, par votre propre pratique, expérimentalement, que telle chose est bonne ou que telle chose n'est pas bonne, ou bien si vous en êtes persuadé grâce à quelqu'un de compétent qui vous en a donné l'explication, vous pourrez progresser. Vous allez pratiquer. Vous devez obéir aux instructions. C'est comme sur un champ de bataille. Si le soldat n'obéit pas aux ordres, il ne pourra pas remporter la victoire. Vous devez obéir. Si on demande au soldat de tirer, il doit tirer. Si on lui demande de se retirer, il doit se retirer. Ce n'est qu'à cette condition que la victoire pourra être remportée. Mais si on persiste à croire qu'on ne peut recevoir d'ordre que de soi-même, on n'arrivera pas au bout du chemin. La plupart des méditants acceptent de suivre les instructions qui leur viennent d'en haut et ils atteignent le but. Dès que le méditant aura atteint le stade des apparitions et disparitions rapides des phénomènes, Udaya Beyanyana, il verra apparaître dans son esprit cette qualité de Upeka, d'équanimité. Il ne devra plus faire d'efforts particuliers pour observer les différents phénomènes qui se manifestent. Sa pratique devient automatique. On compare cette situation à une charrette qui serait tirée par deux chevaux. Si les chevaux tirent la charrette de la même façon, le cocher ne devra pas faire beaucoup d'efforts pour maintenir l'équilibre. Un autre exemple, c'est un conducteur qui se trouverait sur l'autoroute. Si la route est en bon état, il ne devra pas faire beaucoup d'efforts pour maintenir l'équilibre de sa voiture. C'est la même chose en méditation. Si la pratique est équilibrée, que les facteurs sont en équilibre, le méditant n'aura pas beaucoup de difficultés, il ne devra pas fournir trop d'efforts. La caractéristique de Upeka Sambhojanga, c'est d'équilibrer les facteurs mentaux de façon à ce que la pratique se poursuive de façon harmonieuse. Les facteurs mentaux ne doivent pas être en déséquilibre, se supplanter mutuellement. Viriya doit être en équilibre avec Samadhi. La foi Sadda doit être en équilibre avec Panya, la compréhension. Ces facteurs doivent fonctionner de façon équilibrée. La fonction de Upeka Sambhojanga, c'est d'éviter de prendre parti. L'esprit reste au milieu, il ne penche ni d'un côté ni de l'autre. Lorsque la pratique se poursuit ainsi de façon équilibrée, harmonieuse, le méditant aura l'impression de se trouver engagé sur la voie du milieu. Son esprit ne penche ni d'un côté ni de l'autre. Elle se poursuit de façon très harmonieuse. C'est la calèche qui est tirée par l'effort de deux chevaux qui tirent de la même façon, au même rythme. Le yogi aussi a l'impression que les facteurs sont en équilibre à l'intérieur de lui et sa calèche avance de façon harmonieuse. Lorsqu'il aura atteint le stade Udaya Beyanyana, le stade des apparitions et disparitions, le yogi ne devra plus faire d'efforts particuliers pour être attentif. Selon le Bouddha, la seule chose à faire pour faire apparaître Upeka, c'est de constamment se préoccuper de maintenir l'esprit en équilibre. Cette qualité d'équilibre va se développer progressivement. Dès le début de la pratique, le méditant s'entraîne à rester équanime face à tout ce qui se manifeste. Cette qualité d'équanimité va alors se développer progressivement et finalement, Upekkha Sambhujanga, le facteur d'illumination de l'équanimité, va apparaître. C'est donc au stade des apparitions et disparitions que ce facteur commence à se développer, et de façon très naturelle. Mais avant ce stade, la pratique du yogi n'est pas équilibrée, elle est perturbée. Selon les commentaires, il y a 5 causes pour l'apparition de Upekkha Sambhujanga. La première, c'est de se montrer impartial vis-à-vis des êtres que l'on rencontre, que l'on fréquente. Nous devons nous montrer impartiaux par rapport aux personnes qui nous entourent dans nos relations avec les autres. Mais il faudra le faire également vis-à-vis des animaux dont nous nous occupons. Nos relations avec les êtres vivants doivent être impartiales. Il est normal que les gens s'apprécient entre eux, qu'ils créent des liens affectifs entre eux. Et c'est vrai également pour les animaux, comme les chats ou les chiens. Mais dès le moment où les gens s'attachent aux êtres vivants, on peut dire que raga, l'avidité, est présente en eux. Raga, c'est donc le contraire de upekkha. Si nous voulons devenir impartiaux et avoir de l'équanimité, il faudra éliminer raga. Bien sûr, il ne s'agit pas d'éviter d'avoir des liens affectifs avec les êtres. Mais ces liens doivent être équilibrés, ils ne doivent pas être excessifs. Car un amour exagéré, un attachement exagéré amène forcément à la souffrance. Et ce ne sera agréable ni pour nous, ni pour les autres. Dans le domaine du Dhamma tout spécialement, il faudra faire en sorte que cet attachement ne se développe pas. Plus nous serons libres par rapport à l'attachement, plus nous serons libres par rapport à l'amour que nous avons pour les êtres vivants, plus Upekkha Sambhujanga va se manifester. Si on veut se libérer de l'attachement, de la partialité, il y a 2 méthodes. La première, c'est de réfléchir au karma. Cette personne qui est en face de moi n'est que le résultat de son karma passé. Elle est dépendante de ce karma. Moi aussi, je suis propriétaire de mon propre karma. Cela n'a pas beaucoup de sens de s'attacher à des résultats karmiques. Si on réfléchit ainsi, cela va peut-être diminuer notre attachement pour les êtres vivants. Une autre méthode, c'est de considérer les choses en termes de réalité ultime. Cet être qui est là en face de moi n'est constitué que d'une suite ininterrompue de phénomènes physiques et mentaux. Pourquoi devrais-je m'y attacher? À réfléchir ainsi, il est possible que l'attachement diminue. Il faudra donc essayer de rester équanime, de ne pas permettre que raga se manifeste en nous. C'est raga qui nous oblige à pencher d'un côté ou de l'autre. On voit donc que raga, c'est l'opposé de upekkha. Il faudrait essayer de l'éliminer. Upekkha est tout particulièrement recommandé aux personnes au tempérament avide. Elle va les aider à s'en débarrasser. Une troisième cause pour faire apparaître Upekkha Sambhujanga, c'est d'adopter une attitude d'impartialité par rapport au sankhara. En général, on traduit sankhara par construction mentale, mais dans ce contexte, il s'agit surtout des objets physiques. Nous devrons donc adopter une attitude d'équanimité par rapport aux objets avec lesquels nous entrons en contact. Il y a 2 façons d'y arriver. La première, c'est de se souvenir que les objets matériels ont tous la caractéristique de disparaître. tous ces objets devront finalement être jetés à la poubelle. Et de plus, personne ne les possède. Réfléchir ainsi va nous aider à développer l'équanimité par rapport à ces objets. La deuxième façon d'amener l'équilibre dans l'esprit par rapport aux objets, c'est de comprendre que toutes ces choses auxquelles nous sommes attachés, nous n'allons pas en avoir besoin tout le temps. Les gens aiment acheter de nouveaux objets. Même s'ils coûtent cher, ils les achètent et après un certain temps, ils s'en lassent et s'en débarrassent. Mais ceci, ce n'est pas l'équanimité, ce n'est pas Upekkha. Une autre cause qui va faire apparaître Upekkha Sambhojanga, c'est d'éviter la compagnie des personnes qui sont attachées aux choses et aux êtres. Il y a des gens qui sont très attachés à leurs enfants, par exemple. Ils n'aiment pas que les enfants soient pris en charge par d'autres. Parfois, c'est à leur bien qu'ils seront attachés. Ils n'aiment pas les partager avec les autres. Ils les gardent pour eux, ne les donnent jamais aux autres, même s'ils ne les utilisent pas. Il y avait un moine qui pratiquait la méditation dans un monastère. Il était très attaché aux chats et aux chiens qui vivaient dans ce monastère. Il ne progressait pas dans sa méditation. Finalement, il comprit que c'était dû à cet attachement excessif qu'il avait pour les chats et les chiens du monastère. Il n'arrivait pas à introduire en lui Upekkha. Dans le monde, il arrive souvent que les gens aient des animaux domestiques et qu'ils y pensent fréquemment. Ce sera difficile pour eux de développer Upekkha Sambhojanga à cause de cet attachement à leurs animaux. Une autre cause pour faire apparaître Upekkha Sambhojanga dans l'esprit, c'est de rechercher la compagnie des personnes qui font preuve d'équanimité, que ce soit par rapport aux êtres ou aux choses. C'est l'inverse de la cause précédente qui consistait à éviter la compagnie de telle personne. La dernière cause pour faire apparaître Upekkha Sambhojanga, c'est de constamment incliner l'esprit vers le développement de l'équanimité. Dans les quatre postures, debout, assis, en marche et allongé. Si on ne le fait pas et qu'on n'incline pas l'esprit vers le développement de l'équanimité, comme ce Sayado qui était attaché aux chats et aux chiens du monastère, Upekkha Sambhojanga ne va pas apparaître et ne pourra pas être développé. Ce sont donc là les causes pour faire apparaître ce facteur. Mais le plus important pour le méditant, c'est de faire l'effort d'incliner constamment l'esprit vers le développement de l'équanimité. Si nous sommes déterminés à le faire et que nous nous efforçons de noter tout ce qui se manifeste à chaque instant à l'intérieur de nous, ces sept facteurs d'illumination seront présents à chaque annotation, dans des proportions variables pour chacun. Le but, c'est donc de développer les facteurs d'illumination à leur perfection, mais il faut savoir que s'ils sont présents dans notre esprit au moment où nous pratiquons, nous pourrons déjà en expérimenter certains bénéfices. Lorsqu'elles seront pleinement développées, ces facteurs d'illumination vont faire disparaître les causes qui nous ont fait souffrir pendant des temps immémoriaux. En attendant, ces bhojanga vont nous apporter la stabilité de l'esprit, nous en expérimenterons les bénéfices et il se peut même qu'elles aient une influence sur notre santé physique. Notre esprit aussi va devenir très fort, très puissant, très stable et tout ceci va se manifester dès à présent. Demain, Sayadaw nous parlera des bénéfices qu'il y a à développer ces sept bhujangas, ces sept facteurs d'illumination. Puissiez-vous tous prendre la décision d'observer tout ce qui se manifeste en vous à chaque instant, sans omission, et faire ainsi apparaître les sept facteurs d'illumination. Puissiez-vous en expérimenter les bienfaits. Sadhu, sadhu, sadhu.